Vraiment, c'est qui appelle les gens à cette heure-ci? Ah! Allô? Oui. Cody? Oui. Ton père. Allô? Papa? Il y a 14 ans quand je suis rentré ici, tu entamais ta seconde année. Aujourd'hui on m'autorise à donner le dernier coup de fil du condamné. Fils, maintenant que t'es un homme, veille sur ta mère car je ne reviendrai pas. J'en viendrai pas, je sais que la mort n'est qu'une étape, mais je ne m'en vanterai pas. Je m'en rappelle comme si c'était hier de leur juge qui m'adresse ce sermon. À 16 ans c'est la prison ou la légion, me disait-il sincèrement. Aujourd'hui on me traite en criminel pour avoir désobéi un supérieur. Sans un sou par ailleurs, j'ai misé sur leur armée sans avoir su par ailleurs. Ils m'enverraient sur la terre de mes ancêtres pour défendre leur colonie. Que de calomnie quand ici chaque jour qui passe c'est nos droits que l'on nie. Fils, l'armée ne fera jamais de toi un homme, et même si t'es pour leur patrie, t'es de la terre qu'on pétrit, façonne comme une poterie. Ils m'accusent d'être passé chez l'ennemi et me condamnent pour haute trahison. Leur loi, seigneur, seigneur, jamais la foi en mot trahison. Puis emprisonner mon corps, mais mon âme vogue vers l'extérieur. Et si mieux valait stérilière comme les tirailleurs, la vie est moins austère ailleurs. Austère alors qu'à la mort t'enterre à l'heure au nom de leur patrie. Ne sois pas triste, je veillerai sur vous, même si dans l'au-delà on me rapatrie. J'entends leurs pas, mais ne pleure comme ma force, ça cache ta peine. Car grâce à toi, je reste éternel, fiston, c'est pour ça que je t'appelle. Putain, c'est vrai ça, mais je suis que dingue moi. Comment ça j'allais dans leur armée là? Vas-y, tiens leur lettre d'incorporation là, vas-y. Putain, j'allais faire un truc de ouf là en vérité.